une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, la cité de la musique. Nous entendrons ce matin la leçon magistrale prononcée le mardi 15 mars dernier à la Cité de la Musique par Jean-Claude Risset sur le thème « La fabrique du son musical, calculer et composer le son » dans le cadre d'un cycle de conférences consacré à l'écoute. Jean-Claude Risset n'est pas seulement compositeur. Ancien normalien, il est également docteur en sciences. Il a travaillé à l'application de nouveaux moyens de traitement du son et développé de nouvelles connaissances musicale et scientifique sur l'audition. Il fut longtemps chef du département ordinateur à l'IRCAM, dont il est depuis 1992 responsable du nouveau programme de doctorat en traitement du signal. Voici comment il présente l'objet de l'intervention que nous entendrons ce matin. On peut composer le son musical en le calculant et engendrer ainsi des matériaux sonores nouveaux, simulacre, texture, illusion auditive, se prêtant à de nouvelles architectures musicales. Paradoxalement, la genèse du son calculé fait jouer un rôle essentiel à l'écoute. Elle restaure la primauté du sensible. Qu'entend-on par son musical? Un son utilisé pour la musique et la musique. Alors, Alain Poirier rappelle une définition de Luciano Berio. La musique, c'est ce qu'on écoute quand on a l'intention d'écouter de la musique. Alors pour quelqu'un comme Cage, tout son est musique. On ne devrait pas distinguer son et bruit, son incongru et son musicaux légitimes. Pourtant, si l'on interroge quelqu'un sur ce qu'est un son musical, il est probable qu'on s'entendra répondre le son d'un instrument de musique. Aussi vais-je d'abord parler des instruments. Un instrument de musique traditionnel est une machine acoustique élaborée, faisant souvent appel à des technologies avancées et conçue pour vibrer d'une certaine façon et pour être manipulé par un instrumentiste qui les met en vibration en contrôlant certains aspects du son produit. Telle machine doit convertir l'énergie dépensée par l'instrumentiste en énergie sonore sensible à l'oreille et de façon efficace. Une telle machine doit aussi produire des sons ayant certaines caractéristiques qui dépendent de la musique considérée. Différentes musiques demandent donc différents types de sons musicaux. Ainsi, nombre de musiques africaines demandent des instruments bruités, munis de dispositifs, des colliers, des mirlitons, des sonailles, qui soulignent un rythme, mais qui brouillent les hauteurs sonores. Au contraire, la musique occidentale demande des sons instrumentaux épurés, décantés, qui se prêtent à la polyphonie, qui joue un rôle important depuis le XIIe siècle. L'adoption du tempérament égal, c'est-à-dire la division de l'octave en 12 intervalles égaux, a considérablement accru les possibilités de modulation, de passage d'un ton à un autre, mais au détriment de la vérité acoustique des intervalles. Très schématiquement, on peut dire que l'évolution de la musique occidentale a conduit les compositeurs à instaurer des relations de plus en plus complexes entre les sons, un peu au détriment de l'attention portée aux sons eux-mêmes, une élaboration de la grammaire musicale plutôt qu'un souci de vocabulaire sonore. Néanmoins, la construction d'instruments a fait en Occident l'objet de soins attentifs. Si l'on visite le musée de la musique, on est frappé par la diversité, la beauté des formes et des matières. C'est un véritable trésor que la lutherie a amassé. Certes, les luthiers se sont intéressés, attachés à l'aspect décoratif. Le fameux vernis des violons de Crémone, protégé jalousement par le secret de fabrique, a sans doute plus d'effet sur leur aspect que sur leur sonorité. Cependant, matériaux et formes n'ont rien de gratuit. Objets d'art, les instruments sont avant tout de merveilleuses machines sonores. De tout temps, les facteurs d'instruments ont ingénieusement tiré parti des technologies disponibles pour répondre à une demande musicale très exigeante. Dans bien des cas, les instruments ont atteint une espèce de perfection, un optimum paraissant insurpassable, aboutissement d'une longue évolution, au cours de laquelle les luthiers ont engrangé une expérience séculaire, tenant compte de leurs réussites aussi bien que de leurs échecs, et tenant compte aussi des désirs et des appréciations des musiciens. Des compositeurs comme Bach ou Beethoven se sont intéressés aux innovations concernant le pianoforte, par exemple. La facture d'instruments a connu aussi des surgissements, des progrès rapides, comme ceux apportés par Böhm au mécanisme de la flûte, ou des inventions décisives comme les saxophones d'Adolphe Sax. Mais un instrument n'est optimal que dans un certain contexte. Lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, la musique savante a quitté les salons aristocratiques pour des salles de concert assez spacieuses pour le public de la bourgeoisie, nouvelle classe dominante, le clavecin est tombé en désuétude, n'ayant pas la voix assez forte. Le clavecin est réapparu au XXe siècle, à la fois pour se rapprocher des conditions dans lesquelles on jouait de leur temps Couperin ou Scarlatti, mais aussi pour son caractère propre, qui attirait nombre de compositeurs, de Faya à Mach, Ligeti ou Xenakis. Les expérimentations sur les instruments sont longues et incertaines. La recherche instrumentale a connu des échecs et des impasses. Bien des instruments ne sont plus que des curiosités, des pièces de musée, comme le serpent ou le piano-harpe. Même certains instruments très répandus appellent des améliorations, comme le basson, compliqué et mal commode. Chacun sait ce que la science a apporté au progrès technique. L'acoustique ne pourrait-elle aider à aborder plus rationnellement les problèmes délicats posés aujourd'hui aux facteurs d'instruments acoustiques? Pendant fort longtemps, acoustique et lutherie se sont ignorés, ou pire, il y a eu entre ces deux disciplines une incompréhension regrettable, les luthiers trouvant schématiques les descriptions scientifiques de sons musicaux et les acousticiens accusant les luthiers ou les musiciens d'accorder foi à des fables, des mythes, des superstitions sans fondement physique. Pourtant, à bien des égards, la lutherie est en avance sur l'acoustique. Bien avant que la sensibilité de l'oreille aux diverses fréquences n'ait été mesurée scientifiquement, systématiquement par Fletcher et Munson, les luthiers savaient optimiser l'efficacité des instruments en situant les pics de leur courbe de réponse dans les régions de fréquence auxquelles l'oreille est la plus sensible. Les organiers fabriquaient des jeux de mixtures, mutations, fournitures, réalisant la synthèse harmonique de timbres différents des siècles avant que Fourier ou Helmholtz n'aient justifié scientifiquement ce procédé. Émile Lepp l'a souligné maintes fois, une connaissance approfondie de l'audition humaine est inscrite dans les caractéristiques des instruments de musique, une connaissance intuitive et empirique sans doute, mais une connaissance opératoire à l'épreuve de la pratique musicale. Les praticiens de la musique, compositeurs, interprètes, luthiers, ont une sensibilité développée, des points de repère précis, des exigences spécifiques, un savoir-faire éprouvé par la pratique. Leur concours est irremplaçable. En quelques mots, la science et la technologie ont réussi au XXe siècle à mieux comprendre, justifier le fonctionnement des instruments dont les finesses échappaient aux théories trop grossières du XIXe siècle. Mais elles sont rarement capables de recommander aux facteurs des améliorations. Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'un flair musical qui reste en partie mystérieux. La lutherie est une pratique raffinée qui procède de la science et de l'art. Il y a une certaine stabilité des instruments acoustiques à cause de ces difficultés, et aussi l'apprentissage d'un instrument est un investissement temporel considérable. Selon John Sloboda, il faut consacrer des milliers d'heures à la pratique pour atteindre un niveau instrumental professionnel. Il n'y a pas à cet égard de miracle de l'apprentissage. Qui voudrait consacrer tout ce temps à l'apprentissage d'un instrument peut-être éphémère, ou surtout qui n'a pas, n'aura peut-être jamais de répertoire? Mais si l'on associe le son musical aux instruments de musique acoustique, la musique recourt de plus en plus souvent à la technologie électrique. La musique qu'on entend aujourd'hui provient, comme ma voix aujourd'hui, de haut-parleurs. Mais dans le cas de la musique, c'est les haut-parleurs liés aux radios, aux disques, aux Walkman, etc. Milton Babbitt et Michel de Couste l'ont fait remarquer, même si l'on écoute un disque de Beethoven, on entend de la musique électroacoustique. La haute fidélité est un leurre. Le style de prise de son, les options de gravure font des enregistrements une réalité sonore différente de la réalité acoustique. C'est vers 1875 que deux inventions ont bouleversé nos rapports avec le son. L'enregistrement, a permis de fixer le son, de le reproduire en l'absence de sa cause acoustique initiale. On ne peut plus dire « verba volant scripta manent », les paroles s'envolent, les écrits restent. Le son devient un objet qui peut être étudié, transformé. D'autre part, le téléphone convertit les sons en vibrations électriques ou vice-versa, ce qui enrichit le traitement sonore de possibilités technologiques propres à l'électricité. Le compositeur Hugues Dufour parle à ce propos de révolution électrique. Les technologies électriques ont bouleversé les conditions de reproduction et de diffusion de la musique en permettant le transport à distance et l'amplification. Dans ses ouvrages sur le son, Michel Chion rend fort bien compte de l'influence des nouveaux médias et des technologies d'enregistrement, de retransmission et de synthèse sur la pratique et l'écoute musicale. La musique populaire, par exemple, a pu, grâce à l'amplification, réunir des audiences de masse sans précédent. On caractérise souvent les ensembles pop en parlant de leur son, non pas le timbre des instruments vraiment, mais une certaine qualité globale de la facture, une sorte de pâte sonore qui dépend certes du style du groupe et des instruments qu'il constitue, mais plus encore du traitement électroacoustique. L'ingénieur du son, le sound designer, le concepteur du son, joue un rôle prépondérant dans la facture sonore. Au lieu de chercher la possibilité de varier le timbre, l'ingénieur aura lieu volontiers à des synthétiseurs très typés, au son reconnaissable. Et puis au bout d'un moment, ça devient une rengaine et il faut changer de son, on change de synthétiseur et on parle à ce propos de synthétiseur Kleenex. On s'en sert puis on les jette. Cette évolution trop rapide, en tout cas pour les musiciens classiques, cette évolution des instruments électroniques va à l'encontre du dur désir de durer, va à l'encontre du souci des compositeurs classiques d'assurer la pérennité de leurs œuvres. À l'instar des musiques tribales, les musiques dites actuelles jouent souvent un rôle d'identification de micro-groupes sociaux avec toutes leurs nuances identitaires. Si tu kiffes la même musique que tes parents, t'es débile. Pour être tendance, il faut choisir pile poil. Alors, je vous cite l'annonce d'un concert et c'est une citation textuelle. Vous voyez tout de suite de quoi il va s'agir. Un collectif de DJ parisiens sévira façon sound system à l'occasion d'un mix plus soul que hip-hop, mais définitivement coloré dancehall reggae. Bon, revenons à l'évolution de la musique classique occidentale. Le style tonal classique, bien décrit par Charles Rosen, atteint une forme d'équilibre. Mais le souci d'expressivité a amené les compositeurs à donner un rôle croissant à la dissonance, au chromatisme, aux appoggiatures, aux modulations lointaines. Tous ces coups de canif dans la grammaire tonale ont provoqué une érosion de la force structurante du langage tonal et une véritable crise au début du XXe siècle. Divers compositeurs ont alors réagi à cette situation en tentant une réforme du langage musical et plus spécialement de sa grammaire, sans modifier de façon significative le vocabulaire sonore. La liste est longue des innovations de la syntaxe musicale au XXe siècle, polytonalité, modalité, atonalité, dodécaphonie, sérialisme généralisé, musique stochastique, etc. Mais d'autres compositeurs ont porté leur attention sur le vocabulaire plutôt que sur la grammaire. Ils ont cherché à innover au niveau du son lui-même, à renouveler le matériau musical avant d'envisager de nouvelles techniques rédactionnelles. Même si la musique de Claude Debussy peut sembler s'inscrire dans la tradition occidentale, même si elle apparaît non agressive, voire rassurante, avec ses accords consonants parallèles, Debussy était en fait un révolutionnaire tranquille, fondant sa musique déjà sur des principes architectoniques autres que ceux de la musique tonale classique, et portant attention à la sonorité des accords, plus qu'à leur fonction harmonique. Olivier Messiaen, plus tard, systématisera ses accords timbres. Mais Debussy, déjà, compose le son lui-même. Arnold Schoenberg pousse la démarche à l'extrême dans Farben, pièce orchestrale de l'opus 16, où il propose, sur un accord répété, une véritable mélodie de timbre, Klangfarben mélodie. Et Varèse est aussi dans la lignée de Debussy. Mais l'utilisation que Varèse fait des timbres et des registres instrumentaux est au contraire provocante. Elle souligne la tension entre les sons. Ionisation, première œuvre écrite pour des instruments à percussion, dont la plupart sont à hauteur indéterminée, tourne le dos à l'hégémonie traditionnelle du paramètre de hauteur et procède directement à l'articulation temporelle du timbre. Mais surtout, Varèse voulait aller au-delà des instruments pour étendre et renouveler le matériau sonore. Il aspirait à de nouvelles sources de son qui lui permettraient d'échapper aux contraintes instrumentales et en particulier d'explorer le continuum des fréquences en s'écartant des hauteurs de la gamme chromatique tempérée qu'il appelait ce stupide fil à couper l'octave. Varèse voulait pouvoir travailler directement à façonner les sons en fonction de ses exigences compositionnelles. Plutôt qu'à agencer des notes, donc il cherchait à composer le son lui-même, à l'organiser, comme il disait, il aimait à rappeler que les matériaux nouveaux permettent et même appellent des architectures nouvelles. Varèse apparaît ainsi comme le précurseur d'un vaste courant musical accordant au timbre, à la fabrique du son, une place prépondérante. Ce courant englobe certaines musiques instrumentales, comme l'a montré Robert Erickson dans son ouvrage Sound Structure in Music, la structure sonore dans la musique, mais il englobe aussi les musiques électroacoustiques, concrètes, électroniques et numériques. Alors la révolution électrique, qui a servi tout de suite à la reproduction de la musique, a mis plus de temps à affecter la production du son. Cependant, dès 1896, Cahill avait détourné la technique des dynamos et construit un synthétiseur de plus de 300 tonnes, le dynamophone ou télharmonium, précurseur de l'orgamon. L'évocation de cette machine par Ferruccio Busoni a mis en mouvement l'imagination visionnaire de Varèse, qui, dès 1917, appelait de ses vœux des machines électriques pour produire le son sans limitation mécanique. Je cite Varèse, 1917, « Notre alphabet est pauvre et illogique. La musique qui doit vivre et vibrer a besoin de nouveaux moyens d'expression et la science seule peut lui apporter une sève adolescente. Je rêve les instruments obéissant à la pensée et qui, avec l'apport d'une floraison de timbres insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu'il me plaira de leur imposer et se plient à l'exigence de mon rythme intérieur. En dépit de ses efforts pour susciter une recherche d'art science et de lutherie électrique, Varèse devra attendre longtemps, ce n'est que vers la fin de sa vie qu'il pourra organiser le son en tirant parti de l'électroacoustique. La lampe triode, pierre angulaire de l'électronique, a été inventée par Lee de Forest, qui cherchait à réaliser un instrument de musique électrique, et son premier brevet portait le nom d'Odion. Il a d'ailleurs effectivement construit le premier instrument électronique, précurseur des thérémines et autres marteneaux. La triode a aussi permis de réaliser non seulement des oscillations électriques, mais aussi d'amplifier les signaux. Dans sa pièce équatoriale, écrite vers 1930, Varèse introduit l'orgue électrique et conclut par deux sons électroniques aigus, une sorte de manifeste pour de nouveaux matériaux sonores. Il propose aussi de remplacer le chœur de basse par un seul chanteur amplifié, anticipant sur les groupes croc. Peu à peu, divers instruments électroniques apparaîtront, copiant pour la plupart des instruments acoustiques comme le violon ou l'orgue. La guitare électrique, cependant, a innové grâce à ses possibilités d'étendre les modes de jeu, au point qu'il ne s'agit plus tout à fait d'un instrument au sens traditionnel, avec son identité, ses contraintes bien précises. Le thérémine et le marteneau seront utilisés dans nombreuses compositions contemporaines, de Thor et Hindemith à Honegger, Jolivet, Messiaen et Muraille. Le groupe Musica Electroviva a attiré en Italie, dans les années 60, nombre de musiciens d'avant-garde. À Paris, dans les années 70 et 80, l'ensemble d'instruments électroniques de l'itinéraire, qui comportait deux marteneaux, deux guitares électriques et toute une panoplie d'instruments électroniques, en plus de percussions acoustiques, a créé de nombreuses œuvres importantes, notamment de Hugues Dufour et de Tristan Muraille. Le problème majeur des instruments électriques est leur caractère éphémère. Vous pouvez en voir qu'ils sont au musée déjà, mais qui ne marchent plus. Pour relancer les ventes, on crée un nouveau modèle. Les deux ensembles électroniques que je viens de mentionner ont pendant quelques années mis à jour leur instrumentarium, puis ils ont été dissous et les partitions écrites pour eux sont devenues caduques. La révolution électrique a amené une nouveauté décisive, celle de la facture du son dans un studio et non plus dans une situation instrumentale. Dès avant de la Seconde Guerre mondiale, certaines musiques expérimentales faisant appel à des machines destinées initialement à la reproduction sonore et détournées en vue de la création directe sous forme non pas de partition mais de son. Creation in tone, not in paper, dit Leopold Stokowski. En 1939, John Cage, avec Imaginary Landscape No. 1, réalise sans doute la première œuvre sur support qui n'existe que sous forme d'enregistrement. Après la Seconde Guerre mondiale, le détournement vers la production musicale de studios de radio construits pour la reproduction, la radio, jouera un rôle considérable pour les nouvelles musiques. Au studio d'essai de la radio française, Pierre Schaeffer invente en 1948 La musique concrète, utilisant comme matériaux sonores des sons enregistrés qui seront ensuite modifiés et montés en studio. Le résultat n'est pas une partition à interpréter, mais une œuvre achevée sous forme d'un enregistrement sur bande qu'il ne reste qu'à diffuser. On a longtemps parlé de musique sur bande, on utilise aujourd'hui, je l'ai dit, le terme musique sur support. Bon, alors parmi des œuvres connues, celle de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, Étude au chemin de fer, symphonie pour un homme seul aux commandes de la console de diffusion. Schaeffer réussira à imposer dans le cadre de la radio une recherche sur la perception des objets sonores au sein d'une institution qui deviendra le GRM, groupe de recherche musicale, dépendant aujourd'hui de l'Institut national de l'audiovisuel. Dans le studio de musique concrète, le compositeur qui façonne le son est son premier auditeur. Monet crée à loisir ses harmonies colorées. Aussi bien que le peintre, le musicien électroacoustique peut jauger le résultat à mesure de la facture, prendre du recul, composer le timbre d'oreille. Schaeffer aimait à dire « la musique est faite pour être entendue ». Au studio de Cologne prendra naissance en 1950 la musique électronique, se limitant à des sources sonores électriques en relation avec une conception plus formaliste de la composition musicale, issue du sérialisme généralisé, et visant une incarnation sonore exacte des pures musicales définies a priori. Premiers acteurs en furent Heimert Stockhausen, auteur des études 1 et 2, Karel Goyevertz. Ces écoles concrètes et électroniques resteront longtemps antagonistes, s'accusant mutuellement de formalisme et d'empirisme, même si au milieu des années 50, des œuvres comme le Voile d'Orphée de Pierre Henry ou le Gesang der Jünglinge de Stockhausen, la procession de Vergès, le poème électronique de Varèse, associe son concret et électronique. On commence alors à parler de musique électroacoustique. Aux États-Unis, la musique forte de Luning et Usachevsky avait dès ses débuts, en 1950, associé matériaux sonores acoustiques et électroniques. À Milan, Maderna et Berio ont créé le studio di Phonologia, dénomination qui manifeste leur intérêt pour la voix et ses traitements. Les studios de réalisation et de musique sur support vont essaimer dans le monde entier, jusque dans les conservatoires. Outre des magnétophones, microphones, consoles de mixage, tableaux de connexion, ils proposent des appareils spéciaux de traitement, phonogènes, filtres polyphoniques, modulateurs en anneaux, plaques de réverbération artificielle, etc. Nombre de musiques mixtes associeront magnétique et instrumentiste en direct. Des airs de Varèse, alternant orchestre et bande, 1954, musique à deux dimensions de Maderna pour flûte et bande, en 57, des polygraphies polyphoniques de Jean-Étienne Marie, contact de Stockhausen pour piano, percussion et bande, et bien d'autres. J'ai moi-même composé des œuvres instrumentales au début, et mon vif intérêt pour le timbre m'a conduit pour la musique électroacoustique. Au début des années 60, cependant, je n'ai été attiré ni par la musique concrète, ni par la musique électronique. Si les ressources sonores de la musique concrète paraissaient sans limite, n'importe quel son acoustique pouvait être enregistré, les moyens de transformation m'ont paru relativement sommaires par rapport à la richesse et à la variété des sons utilisables, avec le danger d'une esthétique de collage. La musique électronique devait, elle, être contrôlable suivant des schémas précis, mais les sons électroniques étaient à mon goût trop ternes et simplistes, et on ne peut les enrichir que par des manipulations qui brouillent ce contrôle. Aussi me suis-je intéressé aux expériences de synthèse des sons par ordinateur conduites au Bell Laboratories. J'ai passé plusieurs années aux États-Unis, donc en 1964, entre 1964 et 1969, pour explorer avec Max Matthews les possibilités musicales de cette nouvelle ressource sonore, la synthèse numérique. Alors, l'électronique a bien sûr ouvert des possibilités sonores nouvelles, mais les idiosyncrasies de l'électronique analogique, tirant parti des caractéristiques très spéciales des lampes, des transistors, en faisaient une discipline difficile et capricieuse, et les appareils électroniques, conçus à d'autres fins, devaient être détournés vers l'usage musical. Le numérique ouvre une nouvelle ère. Il s'agit d'une nouvelle branche de l'électronique, certes, mais le codage numérique et le traitement par ordinateur créent une situation complètement nouvelle. La discontinuité du codage prévient les dérapages et évite le grignotage par le bruit, et l'ordinateur rend disponible une élaboration aussi complexe et précise qu'on le souhaite, permettant de réaliser une véritable microchirurgie sonore et d'opérer un contrôle compositionnel jusqu'au niveau de la microstructure du son. Dès 1957, Max Matthews et ses collaborateurs ont réalisé la première synthèse de son par ordinateur. Le son y est calculé sous forme de nombres et on peut en principe réaliser n'importe quelle onde de cette façon. Avec l'usage de l'ordinateur, il n'y a plus détournement, mais simplement exploitation d'un potentiel très ouvert. Là, comme dit François Bell, l'ordinateur n'est pas un outil, c'est plutôt un atelier aidant à développer les outils d'un savoir-faire intellectuel aussi bien que matériel. C'est la programmation qui fait de l'ordinateur tel ou tel outil. Le traitement du son numérique peut donc bénéficier des capacités mathématiques et logiques de l'ordinateur et les contraintes mécaniques ou électroniques paraissent disparaître, ou plutôt on peut dans une large mesure les choisir ou les modifier. La programmation permet à chacun de bâtir sa propre maison, de spécifier ses propres contraintes en fonction d'une exigence musicale spécifique et de construire les outils logiciels correspondants. C'est l'enjeu d'une recherche qui vise à étendre jusqu'à la microstructure sonore le rôle de la notation et les pouvoirs de l'écriture. Loin d'être purement technique, cette recherche est à la fois musicale et scientifique. La mise en commun et la transmission des savoir-faire y est essentielle. Pour programmer de façon variée la synthèse sonore, Matthews a conçu des compilateurs, des véritables boîtes à outils logiciels avec lesquels l'utilisateur peut spécifier une grande variété de modes de synthèse en assemblant à loisir des modules de programme comme un jeu de Lego ou de mécano. On peut donc construire pratiquement n'importe quelle structure sonore et ces possibilités modulaires avec ces programmes faits de modules évidemment sont très utilisées dans la programmation en général aujourd'hui avec un logiciel comme MaxMSP. Le problème est donc de déplacer du matériel vers le logiciel, de la technologie vers le savoir-faire. La difficulté est moins la construction d'un outil que sa définition, sa conception, qui doivent tenir compte des caractéristiques de la perception et des impératifs du propos musical. Alors, la question du propos musical se pose différemment pour chaque compositeur. En revanche, le problème de la perception ne peut être éludé, car la spécification d'un son doit décrire tous ses paramètres physiques et non pas simplement stipuler l'effet recherché. L'écoute intérieure ne peut fonctionner que pour des domaines déjà explorés. L'intuition ne permet pas toujours de prévoir le caractère du son obtenu. Or, la synthèse des sons par ordinateur fait apparaître immédiatement la relation entre cause et effet, entre structure physique et effet sensible. La structure physique du son est connue par construction, puisqu'il faut la spécifier pour synthétiser le son, et l'écoute du son synthétisé permet immédiatement de faire l'expérience de l'effet sensible de cette structure. Or, les premiers essais de synthèse par ordinateur ont vite montré que cette relation est bien plus complexe qu'on ne le croit. Bien souvent, des relations prescrites en termes de paramètres physiques ne se traduisent pas par des relations semblables, isomorphes, entre les attributs perceptifs correspondants. Ainsi, on assimile généralement la hauteur perçue à la fréquence du signal physique. Une telle assimilation est trop hâtive. Nous l'allons le voir sur un exemple sonore. Quelle est selon vous la relation de hauteur entre les deux sons qui suivent? Lequel est le plus haut et de combien? C'est le premier exemple. Alors, les auditeurs entendent généralement le second son comme un peu plus bas que le premier, d'environ un demi-ton. Pourtant, je passe du premier son au second en doublant toutes les fréquences. C'est-à-dire que le premier son est physiquement à l'octave aiguë du premier, mais ce n'est pas du tout ce qu'on entend. Donc, vous voyez que les relations prescrites entre paramètres physiques, une octave, sont altérées, elles sont transmuées, comme on dit en mathématiques, par la perception. Il faut prendre en compte la relation psychoacoustique entre la structure physique du son qu'on doit spécifier à l'ordinateur et son effet audible, celui qui compte pour le musicien dans la mesure où la musique est faite pour être entendue. Bon, dans ce cas-là, c'est une illusion acoustique, si vous voulez, spécialement conçue, mais beaucoup de sons inharmoniques, en particulier comme des sons de cloche, ne se transposent pas du tout poliment comme on le prévoit. Alors cet exemple montre la spécificité de la perception et la nécessité absolue d'en tenir compte si l'on ne veut pas que le propos musical soit complètement distordu par son incarnation sonore. Les grammaires musicales visant des attributs perceptifs, comme la hauteur, ne peuvent s'appliquer brutalement aux paramètres physiques, comme la fréquence. Il est indispensable de travailler sur le matériau spécifique pour savoir de quelle mise en échelle ou en relation il est susceptible. Le formalisme ne peut se cantonner à une grammaire abstraite, s'appliquant indifféremment à un quelconque vocabulaire sonore. L'exploitation des ressources du son de synthèse suppose donc une véritable recherche. On ne sait pas toujours comment produire tel effet sensible. Les premiers résultats furent décevants, comme au début de la musique électronique. Les sons de synthèse étaient ternes et anonymes, et on a dû apprendre à leur insuffler vie et identité. Cette exploration de la synthèse a produit de réelles avancées scientifiques concernant le son et l'audition. On entend souvent dire qu'un son acoustique sera toujours plus complexe qu'un son numérique. C'est objectivement inexact. Un son numérique dont tous les échantillons sont choisis aléatoirement, un bruit blanc, porte une information maximale. Mais il s'agit ici de complexité en soi, comme dit Jacques Mandelbrot. Or, ce qui compte pour la musique, c'est la complexité en nous, telle que notre oreille peut la jauger. L'oreille, saturée par une imprévisibilité totale, est débordée et elle ne perçoit dans cette variation perpétuelle qu'un bruit stationnaire. L'exploration de la synthèse sonore a révélé des caractéristiques de l'audition pouvant à première vue sembler bizarres. Pourtant, les idiosyncrasies perceptives ne sont nullement arbitraires. Elles ont été élaborées certainement tout au long de l'évolution des espèces pour habiliter l'audition à extraire des signaux sonores, des informations pouvant aider à la survie. Mais l'évolution s'est faite dans un monde mécanique et l'oreille est très bien adaptée à l'analyse des sons acoustiques. En revanche, les mécanismes auditifs fonctionnent souvent de travers avec des sons engendrés électriquement. L'oreille tend à faire une enquête sur la production mécanique du son. Mais des sons de synthèse avec une attaque rapide suivie d'une résonance sont entendus comme percussifs. Pourtant, rien ne tape sur rien dans un ordinateur. La musique fait jouer ses mécanismes originaires à vide, gratuitement, pour notre jubilation, dans le meilleur des cas musicaux. Mais l'ancrage de ces mécanismes dans le monde physique explique qu'il existe un important fond commun d'intersubjectivité entre les auditeurs. Cet ancrage dans le monde physique justifie aussi l'intérêt de la synthèse sonore par modèle physique développé par Cados à la Croé, dans lequel on ne constitue pas des sons en ajoutant des éléments de son, mais on simule un système vibrant et qui donne lieu à des effets sonores saillants et robustes et à des contrôles de grandeur dont on peut souvent comprendre l'effet, comme la tension d'une corde, la dureté d'un ressort. Des compositeurs comme Brummer ou Maïgouachka en tirant parti avec bonheur. Alors, le savoir-faire engrangé sur la psychoacoustique musicale, sur la perception, est communicable. Un logiciel de synthèse, comme Music5, définit un langage opératoire de description des sons, en ce sens que la description suffit à obtenir le son complet. Les données fournies, donc, sont à la fois des recettes de production pour le programme et une partition intégrale décrivant non seulement les relations entre les sons, mais les structures internes de ces sons dans tous leurs détails. Cela facilite la communication de savoir-faire et aussi c'est utile pour la formation des compositeurs qui sont intéressés à l'élaboration de la structure sonore, à la composition du son lui-même. J'ai moi-même publié en 1969 un catalogue de sons synthétiques qui n'étaient pas des modèles mais simplement des exemples donnant des points de départ à partir desquels chacun peut varier à sa guise. Et par exemple, ayant réalisé des imitations de sons cuivrés alors difficiles à évoquer, ou des sons paradoxaux, descendant ou montant sans fin, montant ou descendant à la fois, j'ai consigné la description concise de ces sons dans ce catalogue, ce qui rend très facile leur reconstitution qui a été réalisée par exemple. Ces sons cuivrés ont été utilisés par Moog pour faire les sons des brandebourgeois dans son Switched On Back, etc. Alors, comme l'a remarqué Marc Battier, l'usage des programmes Musiken et ses dérivés a favorisé le développement d'une économie d'échange concernant le savoir-faire sonore et procurant des clés pour bâtir ses propres outils de création virtuelle. Cette économie d'échange connaît aujourd'hui un nouveau départ grâce à la toile, au World Wide Web, qui permet les échanges de musique et bien sûr de son. Je ne vais pas aborder aujourd'hui le peer-to-peer ou le téléchargement illégal, mais en tout cas, la synthèse logicielle, un temps injustement discrédité, a retrouvé la faveur des compositeurs. Elle n'est pas limitée à des procédés techniques rudimentaires qui seraient vite perçus comme clichés ou stéréotypes. Elle permet de choisir sa palette et de composer ses structures sonores personnelles. Une importante banque de données de synthèse et de traitement sonore est aujourd'hui disponible, par exemple, avec le programme C-Sound de synthèse. Le compositeur qui veut réaliser par synthèse une œuvre sur support doit assumer les responsabilités de l'interprète et aussi du luthier. Il peut souhaiter disposer d'une palette sonore comprenant les sons instrumentaux qui sont bien connus, qui ont fait leur preuve en musique. Et la réalisation de simulacres d'instruments traditionnels s'est révélée plus difficile qu'on ne croyait. Il a fallu de véritables recherches pour imiter certains sons acoustiques comme ceux d'une trompette ou d'un violon. Le protocole de l'analyse par synthèse a montré que le point de vue classique sur le timbre instrumental était simpliste. L'identité d'un timbre instrumental ne tient pas seulement à un spectre spécifique correspondant à un dosage d'harmonique. Le timbre est une qualité sonore globale émergeant d'un champ de corrélation. L'imitation des timbres instrumentaux a amené à cette conclusion, mais elle est importante bien au-delà du champ de ces timbres d'instruments, car il est difficile d'insuffler à un son de synthèse vie, richesse et identité. Et bien sûr, la perspective la plus fascinante est celle d'horizons sonores nouveaux, mais il n'est pas si facile de trouver des sons que notre oreille n'associe pas à des catégories connues comme celles des instruments. Le processus de synthèse sonore peut paraître ouvrageux, obligeant à spécifier tous les détails du son souhaité, toutes ses inflexions, mais il rend possible des processus innovants. Jetant des passerelles entre des domaines traditionnellement disjoints comme matériaux et structures, vocabulaire et grammaire, l'informatique offre un continuum entre microstructure et macrostructure. Il n'y a plus lieu de maintenir la distinction traditionnelle entre un domaine dédié à la production des sons et un autre domaine de nature différente dédié à la manipulation des structures à un niveau temporel plus large. L'exploration de la synthèse a permis de réaliser certaines aspirations musicales et je vais en donner quelques exemples concernant le travail de John Schaunig ou le mien. Dans l'exemple qui va suivre, début de mon œuvre Mutation de 1969, un accord arpégé initial est suivi d'une sorte de coup de gong inanalysable à l'oreille, mais dont on entend bien qu'il prolonge l'accord précédent, que le timbre est comme l'ombre de l'harmonie. C'est l'exemple suivant. Ce pseudo-gong est en fait composé comme un accord et on peut donc conférer une fonction harmonique à des timbres, mettant en lumière d'ailleurs une ambivalence harmonie-timbre qui avait été aperçue par Schoenberg. Poursuivant cette structuration harmonique ou inharmonique du timbre, Schaunig, dans son œuvre Stria, utilise un même ensemble de proportions liées au nombre d'or pour régir la structure interne des sons, les échelles de transposition, autrement dit les intervalles de hauteur, et même le déroulement de l'œuvre dans le temps. Il y a là une rare cohérence entre microstructure et macrostructure. De plus, dans cette œuvre, la structure des sons et des échelles sont construites de façon concertée, si bien qu'il subsiste une dialectique consonance-dissonance, ce qui donne une qualité toute particulière aux rencontres entre nappes de sons harmoniques, qualité à laquelle a été, par exemple, Pierre Boulez ou Luciano Berion étaient très sensibles. Cette œuvre fait d'ailleurs surgir des questions esthétiques nouvelles qui ne se posaient pas avant la programmation, inconcevables sans le son numérique et l'ordinateur. Tirant parti de mécanismes auditifs, Schaunig arrive à évoquer un espace imaginaire et suggérer que des sources sonores y effectuent des mouvements illusoires. En fait, les sources, les haut-parleurs, sont fixes, mais dans son œuvre Turenas est une pierre angulaire de la musique sunétique, suggérant des trajectoires très précises dans l'espace et suggérant aussi des transformations au sein d'un espace continu de timbres. Dans le bref extrait de son autre œuvre Sabellite que nous allons entendre, la source sonore paraît tourner dans l'espace et de plus, le son percussif sans hauteur déterminée au début va se transformer graduellement en un son cuivré à la hauteur très claire. Une métamorphose de timbre mais sans fondu enchaîné à la différence de celle qu'on peut obtenir avec les instruments de l'orchestre. L'exemple suivant. C'est là un exemple de la ductilité que permet la synthèse sonore. L'identité du son est flexible et labile. D'infimes transformations peuvent l'altérer. Dans mon œuvre inharmonique pour soprano et bande, des sons percussifs rappelant des cloches sont transformés en textures fluides mais conservant la même harmonie interne. Les objets sonores sont dissous dans la continuité des flux, comme si une même matière passait de l'état solide à l'état liquide. Le contrôle d'un seul profil permet de sculpter ou de modeler le son et d'aller au-delà de l'agencement de notes dans le temps, en faisant littéralement jouer le temps dans le son. Channing a pu élucider une énigme jusqu'alors sans réponse. Comment l'oreille fait-elle pour reconnaître qu'elle entend deux sons instrumentaux à l'unisson, ou plus généralement pour distinguer des sons simultanés dont les harmoniques coïncident? Channing a réalisé la synthèse de tels sons. On peut les distinguer à partir du moment où l'on impose à chacun de ces sons des micro-modulations différentes, par exemple des vibratos distincts. Dans l'exemple qui suit, on entend une seule entité sonore au début, mais après quelques secondes, elle se scinde en deux, évoquant une voix masculine et une voix féminine deux octaves plus haut. Dernier exemple. Donc c'est en jouant sur cette micro-modulation différente pour les deux sons, l'oreille, ou plutôt le cerveau bien sûr, tente à regrouper toutes les composantes qui subissent un destin commun, des modulations similaires et synchrones, et apercevoir cet ensemble comme une entité sonore en la distinguant d'autres vibrations non synchrones. La modulation commune agit comme une force cohésive qui colle les composantes. Il s'agit là d'une très importante contribution à la compréhension de l'audition et sa capacité d'identifier les sources des signaux sonores. C'est la cohérence ou l'incohérence vibratoire, dans le cas d'instruments de musique par exemple, qui permettent à l'auditeur de regrouper ou de séparer des composantes qui pourtant paraissent coïncider à première vue. Cette avancée scientifique a aussi ouvert une possibilité musicale extrêmement intéressante pour le compositeur, celle de faire surgir d'un matériau sonore de synthèse diverses entités auditives. Dans Phoné, Channing joue sur de subtils réglages de son de synthèse, favorisant soit la fusion, soit la fission des composantes, pour qu'à l'écoute, certaines composantes groupées fassent apparaître des figures troublantes, basses profondes ou soprano émergeant de fonds indistincts. Dans mon œuvre Contre Nature, pour percussion et bande, l'ordinateur incite, par l'exemple, le percussionniste sur scène à produire des figures rythmiques paradoxales, par exemple des ralentis immobiles qui conservent une pulsation invariable, des ralentis ou des accélérations sans fin, comme un serpent rythmique se mordant la queue, ou des accélérations qui aboutissent à une pulsation finale plus lente qu'au départ. Ces comportements insolites semblent contredire la structure sonore. Les comptages intérieurs ne se réduisent pas au temps chronométrique. De telles illusions rythmiques révèlent en fait la nature de la perception auditive qui va parfois à l'encontre de la nature physique du son, d'où le titre « Nature contre nature ». Alors l'enjeu musical de la synthèse est de taille. Je mentionne rapidement la faculté de transformer intimement non seulement des sons de synthèse, qui est facile puisqu'on est à la source de tout, mais aussi des sons enregistrés, par le biais de techniques élaborées d'analyse-synthèse. On peut ainsi changer le rythme d'une voix enregistrée sans altérer son timbre ou son intelligibilité. J'ai eu recours à de telles techniques pour aussi hybrider les sons naturels et synthétiques dans ma pièce sud, pour imprimer sur des sons naturels une échelle de hauteur, ou pour animer des sons de synthèse par des flux issus du bruit du vent ou de la mer. Un effort pour marier musique concrète et musique électronique. Le musicien numérique doit assumer, nous l'avons dit, les responsabilités du luthier, mais aussi celles de l'interprète. Pour une musique comportant des parties quasi instrumentales, le compositeur de musique sur support est responsable de l'interprétation, qui ne saurait se borner à un rendu exact des relations indiquées dans la partition. La musique sonnerait alors très mécanique. L'interprète réalise, par rapport au rendu exact, mathématique, des déviations qui ne sont pas aléatoires, mais systématiques, comme l'ont montré des études récentes sur l'interprétation. Le phrasé, la prosodie musicale, deviennent de la responsabilité du compositeur. Or, il est difficile et fastidieux de spécifier une interprétation numériquement. Les instrumentistes ont l'habitude de contrôler leurs nuances à l'oreille, alors même qu'ils les produisent dans le temps de l'exécution. À cette fin, il est utile de pouvoir traiter le son en temps réel. On entend généralement par système temps réel un système qui peut être commandé par des gestes et dans lequel le retard de la réaction sonore au geste est trop faible pour être appréciable. Alors, avec la puissance des ordinateurs qui s'est accrue, on arrive plus souvent à une situation temps réel qui peut être quasi instrumentale. Mais de nombreux capteurs de type musical comme les claviers, mais aussi ceux mis en œuvre par exemple dans les jeux vidéo, peuvent être utilisés pour contrôler des synthèses ou des traitements de son. Alors ce qui est très important ici, c'est l'association de tel geste à tel ou tel aspect du son ou de la musique, ce qu'on appelle le mapping, et ça joue un rôle décisif dans les applications et dans leur expressivité, et c'est un nouvel enjeu de la recherche musicale. L'IRCAM comptait à sa création en 1975 un département ordinateur et un département électronique, mais le département électronique s'est tout de suite converti au numérique. À la fin des années 70, on y a mis l'accent sur l'importance du temps réel comme nouvelle ère, voire comme panacée, sans doute à l'excès, car bien des œuvres réalisées sur le système temps réel 4X de l'IRCAM, permettant le temps réel, sont devenues caduques, le système s'étant vite périmé du fait de l'évolution technologique. Pour une œuvre comme Réponse qui a été adaptée à de nouvelles technologies, bien d'autres œuvres ont été perdues dans le changement technologique. Aussi, la préservation des œuvres tirant parti du temps réel est un souci majeur. Et il ne faut pas croire que le temps réel est une panacée pour arriver à résoudre les problèmes sur la synthèse du son et du timbre. Il ne suffit pas de pouvoir modifier des paramètres sonores en temps réel pour arriver à un son désiré. Le temps réel est en fait plus important pour l'interprétation que pour la composition elle-même. Pour composer, le compositeur, avec sa partition, s'abstrait de la tyrannie du temps réel. Et c'est indispensable pour faire jouer le temps dans le son. C'est hors temps réel que l'IRCAM a réalisé, par exemple, la voix de Castra du film Farinelli. Les ordinateurs sont aujourd'hui assez puissants pour réaliser des traitements sonores qui auraient exigé, il y a 20 ans encore, un studio électroacoustique bien équipé et coûteux. Les logiciels commerciaux ou gratuits, ce qu'on appelle le freeware, sont légion aujourd'hui. La difficulté est de s'orienter et de bien choisir. J'ai moi-même réalisé mes dernières œuvres électroacoustiques, numériques, sur mon ordinateur portable, qui a cette dimension à peu près. Ça facilite les choses, ça facilite aussi la maintenance des œuvres dans le temps, bien nécessaire quand les matériels et même les logiciels évoluent très vite. Alors, il importe de dire que la musique électroacoustique et numérique a aussi suggéré de nouveaux modes d'écriture instrumentale et vocale. Dans des œuvres comme Métastasis d'Yanis Xenakis, Traîne ou Fluorescence de Penderecki, Atmosphère de Giorgi Ligeti, la polyphonie tisse des trames, des textures sonores, les notes sont brouillées, estompées, la musique est bâtie de blocs sonores à plus grande échelle. Ligeti remarque « Je n'aurais jamais pu développer cette pensée sans l'expérience de la musique électroacoustique ». Ligeti a récemment d'ailleurs exploité dans certaines de ses études pour piano plusieurs particularités psychoacoustiques qui ont été mises en lumière au cours de l'exploration de la synthèse par ordinateur. Dans les années 70, les musiciens du groupe L'Itinéraire ont développé en France une musique dite spectrale, très attachée au son et inspirée des musiques instrumentales de Giacinto Scelsi, qui plonge au cœur du son, mais aussi inspiré de l'exploration de la synthèse des sons par ordinateur. Aujourd'hui, le compositeur n'a plus à choisir entre un chant instrumental et un chant technologique. La musique numérique est riche d'œuvres mixtes, interactives, sur support, qui toutes témoignent des mêmes préoccupations. On peut parler d'extension numérique du jeu instrumental ou de transposition dans l'instrumental de préoccupations numériques, disons. Et bon, pour conclure, on peut dire que l'entrée de la révolution électrique dans la création musicale est encore relativement récente. Elle n'en est qu'à ses débuts en regard d'une longue histoire. Et pourtant, Messiaen la considérait déjà comme l'événement musical majeur de la deuxième moitié du XXe siècle. Les démarches concrètes et électroniques se sont rejointes par la numérisation. Pour le musicien qui travaille avec le son calculé, la synthèse et le traitement des sons permettent de s'affranchir des contraintes mécaniques et c'est donc la perception qui devient le critère central. Pierre Schaeffer, le premier, avait signalé ce retournement. Le travail compositionnel vise non seulement à construire dans l'abstrait des structures temporelles, mais aussi à exploiter à bon escient les caractéristiques de la perception. John Shawning parle ici d'esthétique sensorielle, sensory aesthetics, à propos de la démarche qui s'appuie sur des lois de la perception établies expérimentalement pour réaliser certains effets ou illusions. Les illusions, disait Perkins, physiologiste du XIXe siècle, à propos des illusions visuelles, sont des erreurs des sens, mais des vérités de la perception. Le travail du sculpteur de son, si vous voulez, s'apparente à un illusionnisme musical, selon Catherine Thora McEnlott, et je la cite, « De même que Copernic faisait tourner l'observateur et laisser les étoiles au repos, ou que Kant affirmait que les notions d'expérience dépendaient de la capacité d'entendement et non des objets, de même, l'attention du compositeur se déplace de la structure objective du matériau vers les conditions subjectives de l'audition. Donc, la genèse du son musical fait jouer un rôle essentiel à l'écoute, qui est le thème de ces conférences, et loin d'imposer une logique de la mesure objective ou du calcul, la genèse du son musical calculé restaure, paradoxalement, la primauté du sensible. C'était Éloge du savoir avec aujourd'hui Jean-Claude Risset, présentation Christine Goémé, réalisation Dominique Briffaut. Et tranquille. las muy tranquilas estén las tribus. Que perfectas, muy perfectas sean las tribus. Que perfecta sea la vida, la existencia que nos da. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je m'en souviens. Dimana. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Je m'implique. La radio. J'apprends. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture. Les chemins de la connaissance à 11h30 évoquent une dernière fois la pensée et l'œuvre d'Alexis Clarel Tocqueville. Cinquième volet de la série, son inscription dans la tradition française des moralistes du grand siècle, avec Jean-Louis Benoît, auteur de Tocqueville moraliste chez Honoré Champion et Tocqueville un destin chez Bayard. 11h, fiction feuilleton sur la route de Jacques Kerouac dans une nouvelle adaptation de Catherine de Saint-Phalle. Attention, 20e et dernier épisode, Manana Country. 10h, la nouvelle fabrique de l'histoire ouvre le salon noir de l'archéologie pour évoquer le boire et le manger à Lutèce et la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame avec Sylvie Robin et Philippe Marquis, archéologues. Il sera aussi question de l'actualité de la recherche autour du colloque international « Les enquêtes judiciaires en Europe ».